Je rêve d'être millionnaire, si un jour j'ai de la chance. Mais j'ai perdu trop de frères quand j'ai gagné de l'argent. Parfois j'ai eu tort, allez le dire à ma mère. Que j'ai eu des gosses, mais que je suis un gosse moi-même. Ma famille que j'aime, je la veux loin du quartier. Le soir de mon concert, on les a cambriolés. Les jaloux ici, bien sûr je les entends. Mais quand je vois mon fils, je souris pour faire semblant. Pourtant, j'ai pas envie de te dire que j'ai des problèmes. Pourtant j'ai des problèmes. Toute la nuit je pense à mes problèmes. J'ai des problèmes. J'ai pas envie de te dire que j'ai des problèmes. Pourtant j'ai des problèmes. Toute la nuit je pense à mes problèmes. Naza c'est mon frère mais les ragots me rendent fou. Il a du succès, les gens voudraient qu'on s'embrouille. Et putain je viens de loin, y'avait personne au départ. Quand j'ai sorti tout va bien, j'avais un pied au placard. Y'avait pas d'oseille, maintenant y'en a beaucoup. Je m'embrouille avec mon label, j'ai trop peur que ça parte en couille. Les impôts me guettent, je garde le silence. Je garde mes secrets, rigole avec les gens. Pourtant, j'ai pas envie de te dire que j'ai des problèmes. Pourtant j'ai des problèmes. Toute la nuit je pense à mes problèmes. J'ai des problèmes. J'ai pas envie de te dire que j'ai des problèmes. Pourtant j'ai des problèmes. Toute la nuit je pense à mes problèmes. Je suis peut-être trop lâche pour t'aimer, je l'avoue. Plus je connais les femmes, moins je m'y connais en amour. Demain si je meurs, je veux demander pardon. Je veux pas décevoir le daron. Rien que je charbonne, mais la musique est une chaîne. Je prépare mon album, mais j'ai grave peur de l'échec. Ils veulent que des tubes, pas que je parle de mes tourments. Mauvaise habitude, je me cache et je te mens. Pourtant, j'ai pas envie de te dire que j'ai des problèmes. Pourtant, j'ai des problèmes. Toute la nuit, je pense à mes problèmes. J'ai des problèmes. J'ai pas envie de te dire que j'ai des problèmes. Pourtant j'ai des problèmes. Toute la nuit je pense à mes problèmes. J'ai des problèmes. J'ai pas envie de te dire que j'ai des problèmes. Pourtant j'ai des problèmes. Toute la nuit je pense à mes problèmes. J'ai des problèmes. J'ai pas envie de te dire que j'ai des problèmes. Pourtant j'ai des problèmes. Toute la nuit je pense à mes problèmes. J'ai des problèmes.